un bon Dieu qu'il n'y en ait pas. Un flic au commissariat, une république, un syndicat. Qu'il y ait un bout du tunnel, qu'il n'y en ait pas. Une mère pour pleurer sur moi, ça me fait de la peine, mais je n'y pense pas. C'est de quel côté la mer, à quelle heure est l'avion. Atmosphère, atmosphère, j'ai le vol du bourdon. Pense pas. C'est de quel côté la mer, à quelle heure est l'avion. Je suis dans un rocking chair en point de suspension. C'est de quel côté la mer, mon passeport est bidon. Atmosphère, atmosphère, j'ai le vol du bourdon. Pas dû tirer le gros lot, je tire jamais rien, sauf des bécanes. Je déboule en ville en visant bien les poubelles. Je fais le malin devant les filles, jamais les vraies, jamais les belles. C'est de quel côté la mer, à quelle heure est l'avion. Voyage en solitaire. Atmosphère, atmosphère, j'ai le vol du bourdon.